Dis-moi, Lou. Je t'attends. Salut. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, T et Lange, 67 René Lévesque Est et au Dorsey, le restaurant pub européen 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, ben, comme à l'habitude, j'ai parcouru absolument toutes les internets au complet pour vous. Puis, je vous ai fait une sélection musicale, donc de musique en téléchargement gratuit. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de Web Musique. C'est situé au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc consulter la playlist et télécharger absolument tous les pièces entendu à l'émission, vous pouvez télécharger de façon gratuite. Gratuite et légale, c'est important de le préciser. Donc, on va débuter cette tournée avec un artiste au nom vraiment intéressant. Il s'agit de I. C'est la pièce Hello Gorgeous. C'est publié sous l'étiquette Norbu, une étiquette que je ne connaissais pas, que je vais approfondir un peu plus. Ils ont beaucoup de matériel, donc vraiment intéressant. Ensuite de ça, c'est Ventolin and Bicotite. C'est la pièce Spectral Shine. C'est sur l'étiquette Alkaline Recordings. Donc, on débute tout de suite avec I. We'll be right back. Ça aurait pu être une trame sonore parfaite pour un film des années 80. Donc, c'était Ventolin and Bakotide, la pièce Spectral Shine. Ventolin and Bakotide, c'est aussi le surnom de Simon Matthews, un artiste qui vient de la ville de Galway, en Irlande. Avant ça, on avait débuté Web Music avec l'artiste I, avec sa pièce Hello Gorgeous. Vous irez voir sur le site de CKRL, vous avez mis une vidéo qui reliait cette pièce. C'est un remix d'un vieux film des années 50, un vieux film de vampire. Donc, vous irez voir vraiment, vraiment tordant. On va poursuivre donc Web Music avec TARDIS. Je vous fais entendre la pièce Rain Makes Rain. C'est publié sur l'étiquette No Source Net Label. Ensuite de ça, sur Deep X Recordings, on va entendre Lead Squid avec In Four Dimensions. Deux pièces excellentes à Web Music. Le 4 avril se tiendra le tout premier cocktail bénéfice de l'histoire de CKRL à l'hôtel Château Laurier. Cette soirée donnera le coup d'envoi à la grande fin de semaine du Radioton annuel. La soirée bénéfice est au coût de 125 $. L'orchestre Dôme Orchestre vous en mettra plein la vue et vous pourrez participer à notre encan silencieux. Pour vous procurer vos billets, rendez-vous sur notre site. Les événements entourant les festivités du 40e anniversaire de CKRL sont rendus possibles grâce à la participation financière du ministre de la Culture et des Communications du Québec, M. Makakoto, de la ministre responsable de la Capitale-Nationale, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre du Travail et de la Condition féminine, Mme Agnès Maltais, du député fédéral de Beauport-Limoilou, M. Raymond Côté, du Centre local de développement de Québec, de la Caisse d'économie solidaire des Jardins, de Télé-Québec, de la Caisse de Limoilou, de la SEDEC et du député de Jean-Lesage, M. André Drolet. En 2013, CKRL a 40 ans. Et c'est grâce à vous. Vous êtes graphiste ou artiste émergent de la Ville de Québec. Du 1er mars au 1er avril, la mesure Première Ovation vous invite à relever un défi créatif de taille. Proposez une nouvelle affiche pour Première Ovation. Proposez-nous des concepts novateurs et audacieux. Et courez la chance de devenir le visuel officiel de Première Ovation et de voir votre création diffusée à la grandeur de la ville. En plus, il y a 2 500 $ en prix. Pour savoir comment, consultez premièreovation.com et soumettez-nous vos concepts avant le 1er avril. Écoutez, le dimanche de 22h à 23h, La Croche-Oreille, la seule émission en art audio et électronique au Québec. Animée par Jean-Pierre Gay et Ariane Plante, La Croche-Oreille est présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. De retour à Web Musique, on aborde la dernière demi-heure de l'émission. Tout juste avant la pause, la pièce totalement épique que vous avez entendue, c'était un artiste de la Russie, c'est Lead Squid avec sa pièce In Four Dimensions. C'était publié sur l'étiquette russe Deep X Recordings. Avant ça, c'était TARDIS avec la pièce Rain Makes Rain, publiée sur No Source Net Label. On poursuit avec un artiste de la ville de Boston, c'est Dr. Quandary. C'est donc publié, c'est tiré d'une compilation sur Blocksonic, une étiquette vraiment intéressante. C'est Michael Grégoire qui tire les ficelles de cette étiquette-là, puis il propose de temps en temps des compilations, environ une dizaine de pièces. Ça englobe différents artistes qui sont sur différentes étiquettes, donc toujours un beau travail sur les pochettes, la présentation, pour retrouver aussi les artistes. Donc, allez voir qu'est-ce qui se fait sur Blocksonic, ça vaut vraiment la peine, vraiment beaucoup d'albums de très grande qualité. Donc, c'est tiré de la compilation NetBlock Volume 42, donc déjà 42 compilations du genre. La compilation s'intitule, excusez-moi, attendez un peu, Life, the Universe and Everything, donc un petit clin d'œil à Douglas Adam en même temps. On va entendre la pièce Fehaho. Ensuite de ça, ça va être DJ Tomahawk, un artiste vraiment intéressant. Je l'ai découvert via SoundCloud. La pièce s'intitule Sombaré. C'est un mélange de musique gitane, un peu musique de la Mongolie, musique asiatique, tribale. Donc, c'est un artiste qui mélange plein de genres ensemble. C'est toujours très dansant. DJ Tomahawk, donc à surveiller, vraiment intéressant. On écoute tout de suite Dr. Quandary. Por amor andei tanto chão e mar, Senhor, já nem sei se o amor não é bastante pra vencer, Senhor. Já nem sei, já nem sei, já nem sei, já nem sei, já nem sei, já nem sei. Thank you. Que ça fait du bien, j'aurais quasiment le goût de la faire repartir. C'était DJ Tomahawk avec sa pièce Samba High. C'était donc DJ Tomahawk qui nous vient de la ville de Munich en Allemagne, qui nous brasse différents styles ensemble. C'est toujours très dansant. Allez le suivre sur SoundCloud, toujours des pièces vraiment qui sortent de l'ordinaire. Avant ça, c'était Dr. Quandary avec la pièce Fire Ho. C'était un artiste de la ville de Boston aux États-Unis. C'était sur la compilation live de Universe and Everything publiée sur l'étiquette Block Sonic. On va poursuivre cette fois-ci avec un Italien du nom de Roberto Colella. Je vous fais entendre la pièce Vida. C'est sur l'étiquette Miniatura Records. Ensuite de ça, sur l'étiquette Insectorama, c'est Jay Blanco avec la pièce Emanación del Ser. C'est un artiste de la ville de Madrid, en Espagne. Donc on écoute tout de suite Roberto Colella à Web Music. De la ville de Madrid en Espagne, c'était G. Blanco avec la pièce Emanación del Ser. C'était publié sous l'étiquette Insectorama. Avant ça, de l'Italie, c'était Roberto Colella avec sa pièce Vida. C'était publié sur le netlabel Miniatura Records. Ça va déjà être tout pour Web Music. On va se quitter sur une dernière pièce. Avant ça, je vous rappelle de vous rendre sur la page de Web Music. C'est au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir retrouver donc la playlist et vous allez pouvoir également télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous allez pouvoir les télécharger gratuitement. Donc, tout de suite après Web Music, c'est la croche-oreille qui va être en onde. C'est une émission pré-enregistrée, donc Jean-Pierre et Ariane ne seront pas là pour ce soir, mais ils ont quand même enregistré une émission. Donc, on va se quitter sur une dernière pièce sur l'étiquette PicPac, une étiquette vraiment intéressante, beaucoup de matériel sur PicPac, beaucoup de matériel gratuit. On va entendre Ray Dex avec la pièce Bicos. C'est donc sur son album Arcade Sounds, beaucoup de musique à saveur, donc 8 bits, un album vraiment intéressant. On se quitte sur Ray Dex, puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines, parce qu'en fin de semaine, c'est le Radioton de CKRL, vendredi, samedi et dimanche prochain. Donc, on vous invite à venir nous voir à la station. Une grosse fin de semaine de radio, donc manquez pas le rendez-vous. On se quitte sur Ray Dex, la pièce Bicos. Bonne soirée. Téléchargez Web Music sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le Radioton spécial 40e anniversaire de CKRL arrive à grands pas et ce grand rassemblement radiophonique vous sera présenté par La Barberie,